entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Ma petite peine de cœur vaut tous les malheurs, et je n'entends plus rien quand le bonheur revient. Je voudrais que mes querelles soient universelles, mais t'es truc à toi, ça me concerne pas. Je fais comme tout le monde fait, je dis que m'importe, je sais bien qu'il est midi à ma porte. On connaît la fable des dimanches à table, papa et tonton qui haussent le ton. Ça donne une idée de la stérilité et de l'infini autour du rôti. Car autant d'avis donnés à voix forte, c'est autant de midi qu'il y a de portes. Si peu qu'on se place à la place d'en face, on peut s'empêcher de redécorer. Ça serait mieux comme ça. Je dis ça pour toi. Je vais arranger ta façon de penser. Un conseil d'amis, un cadeau en sorte. Et voilà mon midi au-dessus de ta porte. Que dit la colère, vieille conseillère, de ceux qui ont peur parce qu'ils n'ont plus l'heure. Midi, c'est un ordre qui est le désordre. Prédit l'anarchie des autres midis. Alors les fusils, alors les cohortes. C'est midi, je te dis. Et là, c'est ma porte. Y a tant de tic-tac dans ce monde en vrac, si beau et si moche, tant de sons de cloche, de cadrans solaires en fuseau horaire. Partout faut qu'on couse l'aiguille sur le 12. Zénith ou nadir d'une horloge morte. Qui ne sait que dire midi à ma porte. Zénith ou nadir d'une horloge morte. Qui ne sait que dire midi à ma porte. Toutes les matières, c'est sa gouaille qu'on préfère. Juliette Surfipe à l'instant avec un extrait de son album J'aime pas la chanson, sorti en 2018 déjà. Depuis, un autre album est sorti, il s'appelle Chanson de là où l'œil se pose. Et on a une tendresse particulière pour la chanson La housse et la couette, et cette phrase digne des plus grands philosophes: la vie est une couette à mettre dans sa housse. Fipe, midi va bientôt frapper à votre porte, l'occasion de chercher le démon peut-être et de vérifier si il n'est pas à 14h en vrai. En tout cas, ce sera dans 5 minutes sur FIP. Old little house at the bay. We never cared. we're stuck in this bungalow park. But your silly words keep me out of the dark. We're getting high on your father's whiskey. I'm so happy you're with me. Glad that you're with me. Back at this old little house at the bay. We never care about the world anyway. Nothing but grace got from here to the city. I'm happy you're with me. Just glad that you're with me. I'm happy you're with me. I'm so happy you're with me. I'm so happy you're with me. I'm so happy you're with me. I'm so happy you're with me. I'm so happy you're with me. I'm so happy. Sing. not a chance. Sorry, love, it's all my love's but I can't bring. Mine's been hanging out to dry. Sick of love, it's all you want to live can't see. Baby, love, try to make it dance. Get along, all my kind of misfortunes. Another week of fire. To let it shine. We don't stand a chance. We don't stand a chance. Too late to cry out loud. We don't stand a chance. We don't stand a chance. Baby, my lover, I can feel the heat inside my heart. Sensible par des putains de vices. silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant. Les vacances, pour ceux qui en ont, c'est l'occasion de dormir à son rythme, un peu, beaucoup, passionnément. Comment dormez-vous? Plutôt, jusqu'à quand dormez-vous? Car c'est prouvé, c'est scientifique, je dirais même plus, c'est génétique. Nous ne sommes pas égaux devant le sommeil, ni devant le réveil. Si la moitié de la population a la chance d'être aussi efficace en matinée qu'en fin de journée, le reste se partagerait entre ceux du soir et ceux du matin, un quart les uns, un quart les autres. Et voilà pourquoi FIP diffuse de la musique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. FIP, la meilleure façon d'attendre que le prince charmant vienne régler votre rythme de sommeil. Oh, 花つけていらっしゃい。つぼみつぼみ、 thank you. le chat, dont le chat s'amouracha. Dans le palais d'un chat vivait un angora, le minet du minaret, c'est ainsi qu'on l'appelait. Mais une nuit tout se gâcha, car le chat découcha au palais du haut en bas, on n'entendit plus que ça. Ah, du, le chat du chat. Ah, du, le chat du chat. C'est à qui chercha le chat, dont le chat s'amouracha. Le chat du chat. As-tu vu le chat du chat? As-tu vu le chat du chat? As-tu vu le chat du chat? Une petite curiosité FIP à l'instant, le chat du chat, Kemal Rachid et ses Ottomans en 1960. 97%, c'est le nombre de propriétaires de chats ou de chiens qui avouent parler régulièrement de leurs problèmes à leur animal. Comme un véritable psy, l'animal domestique sait vous écouter, ou en tout cas comme un véritable psy, l'animal domestique fait super bien semblant de vous écouter. Il s'appelle comment ton psy, Pompon, et toi, Pilou? Autrement, on peut se confier à un éléphant. S'il a de grandes oreilles, c'est pour mieux vous écouter, mon enfant. Sur FIP, la parade des éléphants roses, c'est la BO du Dumbo de Disney sorti en 1963. Un film qui a fait pleurer et traumatiser plusieurs générations, selon les psys. Look out! Look out! Big elephants on parade, here they come, hippity-hoppity. They're here, and there are big elephants everywhere. Look out, look out, they're walking around the bed, on their head, clippity-cloppity. Parade, in parade, big elephants on parade. What'll I do, what'll I do, what an unusual view. I can stand the sight of worms and look at microscopic germs, but technicolor pachyderms is really too much for me. I am not the type to faint when things are odd or things are quaint, but seeing things you know that ain't can certainly give you an awful fright. What a sight! Chase them away, chase them away. I'm afraid, need your aid, big elephants on parade. Pink elephants. Pink elephants. Not too many can do it like yours truly. Real shit from a true vet. For the love of hip hop, we stayed original ever since, yo. Yeah, sound traveling faster than light. The way I write, shadow box. You should sound like past the ox, man. Noxious, obnoxious. I take that sans box, but you kick in your snare can kick box, man. Hot to spit on your whole outfit. Ad hoc, fighting words cause you sound absurd. Thinking you could try mock the wordsmith. My vision is blurred, still I see through you like Banach, Jean-Jacques. The past life name of the live guy with glasses, just to serve to the masses daily. Fresher than fuck, try your luck. Your penalty will reward all of those with the range of this mic cord. Be your Wi-Fi, voila. Why try to fly before you walk? Even before you run, ah, before you crawl. Just be still, chill, praise the Lord. Yeah, salute those that respect the craft. Respect those that salute the G's. MC's at ease, on stage in the booth for a cypher. Real, recognize real, till death, the lifer. Respect those that salute the G's. Salute those that respect the craft. On behalf of an artist as a fan, man, woman, and child. Real, recognize real, let's move the crowd. Not too many can like yours truly. Real shit from a true fan. For the love of hip hop, we stayed original ever since, yo. Yeah, if a tree falls and goes unheard, you know it still makes a sound. From the crack till it's hitting the ground, the vibrations exist regardless, they ripple around. This is simple, nothing profound. Same goes for the underground. We put in work regardless of whom. Guess what? World renowned. Make noise like you hear me now. Fuck the static, the basement, power in the light, in the attic. Replacement? Not likely. One of a kind, I can influence many, but they not quite me. They get down, but not like me. The same words, simple rappers do not like me. See what I did there? Ha. The execution, the gifts, like I make light. Heavy as the hand that holds the mic. Way more weight than the head that wears the crown. I can be pleasant as a peasant, still is live the great. Come on, yeah, now. Salute those that respect the craft. Respect those that salute the G's. MC's at ease, on stage in the booth or cypher. Real recognize, real till death, the lifer. Respect those that salute the G's. Salute those that respect the craft. On behalf of an artist as a fan, man, woman, and child. Real recognize, real, let's move the crowd. Not too many can do it like yours truly. Real shit from a true fan. For the love of hip hop, we stayed original ever since, y'all. Yeah, salute those that respect the craft. Respect those that salute the G's. MC's at ease, on stage in the booth or cypher. Real recognize, real till death, the lifer. Respect those that salute the G's. Salute those that respect the craft. On behalf of an artist as a fan, man, woman, and child. Real recognize, real, let's move the crowd. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long, and heaven would be just kicking back with Jesus packing my bong. And if you don't believe, fuck.

and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. On n'a pas tous les jours 16 ans, bon anniversaire si vous fêtez vos 16 ans aujourd'hui, mais ouais, trop bien, carrément. À l'instant sur FIP, c'était Sweet Little Sixteen de Chuck Berry, sorti en 1957 et repris par les Beatles, Jerry Lee Lewis, Marianne Faithfull et les Beach Boys, bien qu'ils s'en défendent. En 1963, en effet, les garçons de la plage sortaient Surfing USA qui ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup au tube de Chuck. C'est pas les mêmes paroles, diront les uns. Oui, mais c'est la même musique, dira l'autre. Finalement, Chuck Berry sera crédité comme compositeur de la musique. Bref, à 16 ans comme à tous les âges, quand on copie sur le voisin, faut assumer. Sudden change. other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is uh-huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say that I am not the one to sit around and be played. Prove yourself to me, I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday? I know that you say I'm assuming things. Something's going down, that's the way it seems. Should be no reason you're acting strange. If nobody's holding you back from me, say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you ain't running game, say my name, say my name. You're acting a kind of shady, ain't calling me baby. Why the sudden change? What is up with this? Tell the truth, who you with? How would you like it if came over with my click? Don't try to change it now. See that you've got a bound. When 2 seconds ago said you just got in the house. It's hard to believe that you are at home by yourself. When I just heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Caught up in your game. When you cannot say my name. I know what you say, I'm assuming things. Something's going down. Made leaves

time. Guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Better get away from Arthur Town. Oxford Town around the bend, he come to the door, he couldn't get in, all because of the color of his skin. What do you think about that, my friend? My son, we got met with a tear gas bomb. I don't even know why we come, going back where we come from. Oxford Town in the afternoon, everybody singing a soft tune. Two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon. Oxford Town, Oxford Town. Everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground. Ain't going down to Oxford Town. On est fou de folk, on est fou de FIP, il est 1h sur FIP. dear Father. Yesterday the sun shone for the first time again. On the way back from the clinic, I bought myself a case of Fontarutoli's Reserva. I opened the first bottle in the evening, but at the moment, Dr. Eisenstein. From the day we first met, time stood still. As the moments pass, the days move fast. Oh, I love you still. All the pain I had inside turned to happiness. Turn to happiness. Is it true? I'm the one for you. Say yes. I'd rather be than in your arms, underneath the stars that shine so brightly in your eyes. I have a little piece of heaven whenever I'm close to you, and it's truly evident that I'm falling in love with you. I'm screaming. Le Colisée, un ristretto, la chapelle Sixtine, un cappuccino, tiens une pièce de monnaie, la fontaine Trevi, poussez-vous, je vais rater mon selfie, le mont Palatin, pâte ou pizza, les pizzas au poids, la villa Borghese, l'arc de Constantin, quelques injures qu'on ne comprend pas, non capisco, FIP, on vous fait chauffer la Vespa au son d'une musique signée Nino Rota, qui a le trop. for me. Soft nights, spare days. So what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't blame me for I La vie c'est merveilleux. Une journée passe, elle ne sera jamais plus la même que les journées qui passeront quand même. Une journée passe son chemin, une heure c'est merveilleux, une minute c'est merveilleux. Quoi, elle est pourrie, oui, mais elle est déjà partie. C'est merveilleux, qui passe, c'est merveilleux. Oh, un enfant passe, il ne sera jamais plus le même, mais je sais bien qu'il repassera quand même. Un enfant passe son chemin, puis s'immobilise et reprend son chemin. Oups! Vas-y! Philippe Catherine, en effet, il chantait ce merveilleux accompagné de l'Orchestre Philharmonique de Radio France le 21 janvier de cette année pour la deuxième édition de l'Hyper Weekend Festival. Philippe Catherine aux Anges, c'est le nom qu'il avait donné à ce concert où il revisitait grand format ses chansons. Un concert que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de France Inter. Oui, si ce n'est Philippe, c'est donc sa sœur. Philippe Catherine qui, s'il nous écoute, ce dont on ne doute pas parce que c'est un homme de goût. Philippe Catherine donc qui se régalera comme vous en entendant Eric Satie, dont il a dit un jour « Satie, ça vous repeint le monde quand même ». Allez, admirons la couleur de cette gnoursienne numéro 5, interprétée au piano par Noriko Ogawa. Thank you. On les appelle les gougounes. En Belgique, ce sont les slash. En Angleterre, on dit les flip-flops. En France, ce sont les tongs. Ce qui permet cette allitération jouissive est auto-tête et tongs. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer une chaussure en forme de Y? Eh bien, les Égyptiens, figurez-vous, 5500 ans avant Jésus-Christ. Toutankhamon émettait donc le même clac-clac que votre voisin de camping quand il se rend au sanitaire. Bref, tout cela pour vous dire que les championnats du monde de lancer de tongs se sont tenus hier, comme chaque année à la Lacanau. C'était la 20e 35e édition. A priori, le record de 39,56 m n'a pas été battu, loin de là, car les vainqueurs n'ont pas dépassé les 23 mètres. Mais, nous a-t-on dit, il y avait le vent de face. Voilà, il vous reste un an pour vous entraîner. Et l'année prochaine, on annonce votre victoire sur FIB, d'accord ? Thank you. Yeah. Louis Louis, un blues au départ composé par un certain Richard Berry en 1956 est devenu l'un des plus grands classiques du rock. La chanson raconte l'histoire d'un marin qui explique à un barman nommé Louis qu'il doit retrouver sa fiancée partie en Jamaïque. Et justement, c'est en Jamaïque que nous étions à l'instant avec la version de Toots and the Metals en 1976. Allez, après Louis Louis, voici Louis, Louis, Louis Armstrong sur FIP. On le retrouve reprenant une chanson de Fats Waller, All That Meat and No Potatoes, un titre un tantinet sexiste, un tantinet, l'expression désignant dans les années 40 une femme peu pourvue côté poitrine, mais bien sûr ici pas de malice. C'est bien parce qu'il aimait accompagner sa viande de pommes de terre que Fats Waller a écrit cette chanson. Ouais, c'est bien parce que c'est Fats et c'est bien parce que c'est Louis Armstrong qui la chante. Something's bothering you. There's nothing bothering me, honey, that a piece of roast beef can't fix up. Well, I'll tell you one thing, Pops. A man works hard, then comes on home, expects to find stew with that fine ham bone. He opens the door, then starts to look in. Say, woman, what's this stuff you cooking? Now all that meat and no potatoes, I just sing right there like a green tomato. Here I'm waiting, palpitating with all that meat and no potatoes. All that meat and no potatoes. All that food to the alligators. Now hold me steady, I'm really ready. Now all that meat and no potatoes. I don't think that peas are bad. With me, most anything goes. Yes, I looked in the pot. I'm fit to fight. Cause, woman, you know that mess just ain't right. Oh, that's all. Oh, all that meat and no potatoes just ain't right, like green tomatoes. Woman, I'm steaming, yeah, really screaming. All that meat and no potatoes. Without rice, beans just ain't right. Oh, Pops, all that meat and no potatoes just ain't right, like green tomatoes. Now, woman, I'm steaming and I'm really screaming. It ain't ration. All that meat and no potatoes. Thank you. Florence un soir, dans je ne sais quelle galerie de peinture, nous avons longtemps parlé d'art, d'histoire et de littérature. Moi j'étais très très amoureux, je trouvais tout ça merveilleux. Laurence trouvait tout ça divin, léger, valable, bizant. Je suis plein d'indifférence devant les temples de Byzance et tous les musées de Florence. Car dans mon lit, j'aime mieux les yeux de jambes de Laurence, les cheveux, les seins, la peau de Laurence, c'est plus joli. Après nous sommes allés dîner, Laurence et moi, dans un snack bar, et nous avons longtemps parlé. Homard, canard, calmar, caviar, moi j'étais très très amoureux, je trouvais tout ça merveilleux. Laurence trouvait tout ça divin, léger, valable, byzantin. Mais je suis plein d'indifférence devant les banquets de Byzance et tout ce qu'on mange en Chine ou en France ou bien ailleurs. J'aime mieux les yeux de Laurence, je préfère les jambes de Laurence, les cheveux, les seins, la peau de Laurence. Cette année, en fait, les 40 ans de morceaux qui auront été des déclics pour certains artistes. Holiday, qui en 1983 a mis au grand jour la Madone de la pop, Louise Chichon, mais aussi Sunday Bloody Sunday, qui a lancé U2, mais encore Let's Dance, qui a révélé David Bowie au grand, grand public, ce que lui reprocheront ses fans de la première heure. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, répondrons-nous aux grognons et aux snobs. Sur l'album Let's Dance, il y a 40 ans donc, il y avait cet autre tube, China Girl, qu'on va écouter tout de suite sur FIP, juste après vous avoir dit que si vous avez la nostalgie de cette année 1983, nous lui avions consacré un numéro des années FIP à retrouver sur FIP.fr. Allez, comme disait la China Girl de Bowie, chut, on se transporte en 1983. Of swastikas in my head, plans for everyone. Beaulieu Francis, à l'instant sur FIP, il est né dans l'Oklahoma, mais il a été élevé à Paris. Enfant, il rêvait d'être un écrivain comme J.K. Rowling. Il a donc choisi un pseudo avec deux lettres, J.W., pour faire genre, dit-il, et ça marche. Peut-être que son talent de songwriter joue aussi un peu quand on y pense. On a adoré l'album Dream House, sorti en janvier dernier. Eh bien, il sera sur scène, J.W. Francis, le 9 septembre à Vernon, dans le cadre du festival Rock in the Barn.